On me dit arrête, tu te fais du mal. Mais si j'ai mal à la tête, c'est que tout me ramène à toi. Et j'en ai marre de voir tes yeux quand je ferme les miens. On n'a pas pris de retard, juste un autre chemin. Même couleur qu'avant, mais moins de lumière. J'aimerais écrire d'autres mots, mais on ne lit que dans les rêves. Et je sais bien, tout ça doit sûrement te faire rire. Mais donnez-moi le temps d'entendre ces sourires. Alors t'arrêtes pas, non j'ai plus mal. Sa bête et ne t'en fais pas. Relève la tête, le ciel est bleu. Compte 1, 2, 3 et tout ira mieux. Mais le soleil se couche et tout redémarre. Écoute les mes rêves gris s'envolent dans le noir de la nuit. Et j'en ai passé du temps à écrire toutes ces lignes. Et je suis encore hésitante. Est-ce que c'est vraiment utile? C'est vrai, le temps passe vite. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il ne fait que ralentir. Et j'en ai passé du temps à écrire toutes ces lignes. Et je suis encore hésitante. Est-ce que c'est vraiment utile? C'est vrai, le temps passe vite. Mais c'est facile à dire. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il ne fait que ralentir. Si on veut, on peut. Ça passe en boucle, arrête-le. On le sait que c'est vrai, mais je veux plus de concret. Je voudrais nager dans la pluie et faire voler le vent. Je pourrais te faire des problèmes, mais ça n'aurait. Alors laissez-moi le voir danser jusqu'à s'épuiser. Je veux retrouver toutes nos nuits d'été. Tous ces souvenirs je pourrais écrire pendant des heures. Et je te laisserai pas tomber, je repousserai nos pleurs. Alors